بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اليوم هو الخامس عشر من شهر ربيع الثاني عام 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والدرس هو 38، وهو آخر دروس دراسة كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. والباب هو باب ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. Nous sommes le 15 février 2014 et ceci est le 38e cours et c'est le dernier de l'étude de ce livre les qualités sublimes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le 38e cours de ce livre, les qualités sublimes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de l'imam al-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala. Nous allons donc conclure la lecture de ce livre magnifique de ce grand imam et auteur Abu Isa al-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala. Le dernier chapitre que l'auteur a cité dans son livre béni et bénéfique concerne la vision du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pendant le songe, c'est-à-dire pendant le sommeil. En d'autres termes, la vision du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les rêves. Et cela fait partie du savoir-faire de cet imam et de ce savant. Dans son livre, il nous a présenté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En commençant par sa description physique, il nous a parlé de la taille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sa chevelure, de sa démarche, de ses mains, ses jambes, la couleur de sa peau, ses yeux, son visage, son dos, ses bras, sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a même parlé des poils qui poussent sur son torse, alayhi salatu wassalam. Ensuite, il nous a parlé de tout ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, ou de beaucoup de choses que le prophète, sallallahu alayhi wassalam, avait en sa possession, que ce soit des vêtements, ou bien des armes, ou bien encore des parfums. Il nous a aussi parlé de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait comme nourriture. Il nous a parlé de ce qu'il mangeait en complément du pain, alayhi salatu wa sallam. Il nous a parlé de sa manière d'être chez lui, de sa façon de discuter avec ses épouses avant de dormir, alayhi salatu wa sallam. Sa façon de rire, sa manière de plaisanter, le comportement qu'il avait avec les siens, mais aussi avec ses compagnons, radiyallahu anhum. Il nous a parlé de la manière d'adorer Allah, azza wa jal, du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la manière de prier la nuit, sa façon de jeûner. Il nous a parlé, rahimahullahu ta'ala, de la pudeur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des différents prénoms que celui-ci avait, alayhi salatu wassalam. Il nous a enfin parlé de son décès et de ce qu'il a laissé après sa mort comme héritage, alayhi salatu wassalam. Après avoir cité toutes ces caractéristiques du prophète, sallallahu alayhi wassalam, il fait partie du savoir-faire, ou montre le savoir-faire de cet imam, d'avoir cité en dernier chapitre la vision du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le rêve. Pourquoi? Car beaucoup sont ceux qui prétendent avoir vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le songe ou bien le rêve. Mais très peu sont ceux qui l'ont véritablement vu. Et ici, nous allons apprendre quelles sont les règles à connaître pour distinguer la réelle vision du prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve est celle qui est mensongère et qui n'est pas véridique, qui est d'ailleurs la plupart, malheureusement. L'auteur a dit « Babu ma ja'a fi ru'yati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fil manam » Chapitre concernant la vision du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pendant le sommeil. Le mot qui a été employé ici en arabe c'est « ru'ya ». Le mot « ru'ya » qui veut dire la vue ou bien la vision peut être utilisé dans la langue arabe pour vouloir ou pour désigner la vue réelle ou bien la vue, c'est-à-dire la vision en rêve. C'est pourquoi l'imam Tirmidhi rahimahullah a précisé et a dit « fil manam » la ru'ya, la vision du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le sommeil. Il ne s'est pas contenté de dire la vision du prophète alayhi salatu wa sallam. Par contre, il y a un autre mot en arabe qui est ru'ya, qui se finit par le alif, non pas par le ta. Ce deuxième mot ne veut dire que la vision du prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve. Donc nous allons parler de ce point qui est très important. De ce point qui est très important. Il faut savoir que celui qui a réellement ou véritablement pu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qui a d'abord connu les caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a connu sa description physique, celui qui sait comment est sa taille, comment sont ses bras, ses jambes, comment est son visage, comment est sa barbe, comment est son sourire. Celui qui connaît la description physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam peut prétendre l'avoir vu en rêve. Car beaucoup sont ceux qui prétendent l'avoir vu en rêve alors qu'ils n'ont vu que un shaitan qui s'est fait passer pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme nous allons voir que le prophète alayhi salatu wa sallam va nous enseigner que le diable, le shaitan, n'a aucune possibilité de prendre l'apparence du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le rêve. Mais il peut prendre une apparence et se faire passer pour le prophète alayhi salatu wa sallam. C'est pourquoi, quand on allait voir les pieux prédécesseurs, que ce soit les compagnons ou les générations qui ont vécu après lui, ou après eux, pardon, ceux-ci demandaient à chaque fois à la personne qui disait « J'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve », ils disaient à cette personne « Décris-moi ce que tu as vu ». Puis cette personne se mettait à décrire son rêve. Et en fonction de la description qui va être donnée dans ce rêve, Si cette description est en concordance avec la réalité de la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dira alors à cette personne qu'elle a bien vu le prophète en rêve. Par contre, si cette personne donne une description contraire à celle connue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne pourra pas dire de celle-ci qu'elle a vu le prophète alayhi salatu wa sallam. Certaines personnes disent qu'elles ont vu une lumière dans le rêve et que cette lumière représentait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres personnes disent qu'elles ont entendu une voix. D'autres personnes disent qu'il y avait quelqu'un. Elles savaient que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais elles n'ont pas pu les voir, mais elles ont la conviction que c'était le prophète alayhi salatu wa sallam. Et tous ces rêves-là ne sont pas à prendre en compte. Car la règle, c'est d'avoir vu dans le rêve la description physique connue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si dans le rêve on voit une description qui n'est pas celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien on ne voit pas la description du prophète alayhi salatu wa sallam, donc on voit une lumière, on sent une présence, on entend une voix, tous ces rêves-là ne sont pas à prendre en compte dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, il est clair que celui qui peut voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve a certainement reçu un cadeau de la part d'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans le cas où il a véritablement vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants disent que la vision du prophète sallallahu alayhi wa sallam du croyant dans son rêve lui fait plaisir, mais ne le trompe pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand le croyant voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve, un plaisir vient dans son cœur. Mais il n'est pas trompé par cette vue, cette vision. C'est-à-dire que quand il se réveille, il ne se dit pas, j'ai pu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve. Cela veut dire que chez Allah, ma place est grande, Allah m'a accepté, et alors il se met à délaisser certaines choses de la religion d'Allah Azza wa Jal en se croyant proche d'Allah Azza wa Jal. Aussi, celui qui n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve, on ne peut pas dire d'une telle personne qu'elle n'aime pas Allah ou qu'Allah ne l'aime pas. Car les savants, dans les livres de croyance, aqida, ont cité dans les chapitres concernant karamatul awliya, les miracles ou les prodiges qui sont attribués aux pieux, qu'il n'est pas une condition pour un croyant que celui-ci a un prodige ou un miracle. Donc le croyant qui n'a pas de prodige, qui n'a pas de miracle, le croyant qui ne voit pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve, on ne dit pas de celui-ci qu'il n'est pas un véritable croyant, que sa foi n'est pas haute. Aussi, il faut savoir que les savants de l'islam, de la sunna et du tawhid sont unanimes pour dire qu'il est formellement interdit de prendre les rêves ou de prendre des rêves des règles religieuses relatives au licite et à l'illicite. Il est donc interdit à une personne qui a vu une chose en rêve de dire le lendemain, j'ai vu en rêve, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dire, tu as le droit de faire cette chose qui en fait est interdite. Ou bien, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve me dire, tu n'as pas le droit de faire cette chose alors que celle-ci est permise ou licite. Il n'a pas le droit non plus de se baser sur un rêve pour fonder quelque chose et l'apparenter à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est formellement interdit. Et nombreux sont les pieux prédécesseurs qui ont vu en rêve, qu'on leur disait, je suis Allah et je t'ai rendu licite ce que j'ai interdit à toutes les autres personnes. Wal'iyadhu billah. En fait, ce rêve ne provient que de Shaitan qui a voulu, à travers le rêve, égarer le fils d'Adam. Et d'ailleurs, vous en avez entendu une partie dans la khutbah de la veille, le prêche d'hier, porté sur ça, sur la nuisance que Shaitan fait pendant le sommeil du fils d'Adam. Donc il est interdit à une personne de prendre une règle ou un jugement religieux en s'étant basé sur un rêve. Cela est formellement interdit. On dit de Abd al-Qadir al-Jilani rahimahullah, qui est un homme pieux parmi les savants de l'islam, mais qui a été adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal, malheureusement après sa mort, il est innocent de ce que les gens lui ont voué comme culte et comme adoration. On dit de cet homme-là qu'il a vu en rêve une immense lumière. Cette lumière lui a dit, c'est moi Allah, et je t'ai rendu licite ce que j'ai interdit à l'ensemble des autres créatures. Dans son rêve, de par sa science et sa connaissance de la sunna, il a dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Je cherche la protection d'Allah contre le diable banni ou lapidé. Et alors cette lumière s'est éteinte dans son rêve. Donc, certaines personnes ont été dupées, égarées, trompées par le shaitan pendant leur rêve. Nombreux sont les personnes qui se sont basées sur des rêves pour rendre licite l'illicite et pour rendre illicite le licite. Nombreuses sont les personnes qui se sont basées sur des rêves pour fonder des croyances, des pensées, des groupes qui sont toutes aussi égarés les uns que les autres. Notamment cet homme qui s'appelle Mohammed Ilyas, qui est d'origine indienne et qui, suite à un rêve, a fondé le mouvement de Tablir. Malheureusement, en se basant sur un rêve, il a fondé toute une idéologie, tout un dogme et toute une croyance qui par la suite va avoir de nombreux suiveurs. Toutes ces choses-là sont infondées et sont rejetées par Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup sont également ceux parmi les gens de l'innovation qui ont écrit des livres tout entiers en se basant sur des rêves dans lesquels en fait ils n'ont vu qu'un shaitan parmi tant d'autres qui les a incités à faire ces choses-là qui sont en vérité des innovations ou des égarements. Ils ont ainsi écrit des livres concernant les adhkar, les évocations, celles que l'on répète le matin, le soir, avant de dormir, en sortant de la maison, et tout ce que vous voyez dans, par exemple, la citadelle du musulman, Hisn al-Muslim, ou autre, parmi les livres connus de la sunna. Et on retrouve dans ces livres-là qu'il faut répéter un tant de fois telle et telle surah avant de dormir, qu'il faut répéter tant de fois telle et telle invocation après la prière. Des fois, on retrouve dans ces livres des formules qui relèvent du shirk billah azza wa jal, de l'association à Allah pure et claire. Et les auteurs, ou un parmi les auteurs de ces livres qui ne sont pas corrects, a dit dans son livre, à la fin de celui-ci, il dit, à la fin de l'écriture de ce livre, j'ai été pris par l'hésitation. Je me trompe pas, l'hésitation. Hein. J'ai hésité sur le fait de propager ce livre ou non. C'est alors qu'après m'être endormi, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dire, qu'attends-tu pour publier ton livre et pour le propager? Puis Abu Bakr radiallahu anhu me dire, qu'attends-tu pour propager ton livre? Et ensuite Omar m'est venu et m'a dit, qu'attends-tu pour propager ton livre? J'ai donc pris la décision, après avoir vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve, ainsi qu'Abu Bakr et Omar m'ordonner de propager le livre, j'ai donc pris la décision de le faire. Et alors, suite à un rêve, il a propagé des innovations sur lesquelles il rendra des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup sont ceux qui disent avoir vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'en fait, ils n'ont vu qu'un shaitan, qu'un diable. Comment une personne peut-elle prétendre l'avoir vu en rêve alors qu'elle ne connaît ni sa description physique, ni ses comportements, ni ce qu'il fait, ni rien de sa vie? Plus loin encore, comment une personne peut-elle prétendre avoir vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve alors qu'au quotidien elle ne suit pas sa sunna? Alors que peut-être qu'au quotidien elle fait partie des gens les plus éloignés de sa sunna. Comment peut-elle avoir prétendu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve? Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce chapitre ou ce sujet est un sujet très important dans la religion d'Allah, Azza wa Jal. Et beaucoup de mots se sont propagés à cause des erreurs commises et de l'ignorance des gens quant à la vision du prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve. Le premier hadith rapporté par Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu قال: من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: qui me voit en songe me voit effectivement. Satan en effet ne prend pas mes traits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne une information qui est que Shaitan n'a en aucun cas la capacité de prendre les traits physiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne peut pas prendre la forme connue du prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve. Celui donc qui a vu le prophète alayhi salatu wa sallam en rêve l'aura alors véritablement vu, à condition qu'il a vu les traits physiques qui sont connus du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car Shaitan peut prendre une autre forme et se faire passer pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui ne connaît pas sa description pensera avoir véritablement vu le prophète alayhi salatu wa sallam. Pourquoi est-ce que Shaitan fait cela? Pourquoi est-ce qu'il vient dans le rêve de la personne et dit, je suis le prophète, alayhi salat wa salam, soit pour le faire sortir de la sunna, ou soit pour l'enfoncer dans son égarement. Une personne qui commet des péchés, et qui voit ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soi-disant en rêve, alors qu'en fait elle n'a vu qu'un shaitan parmi tant d'autres, va se plonger dans ce péché. Car elle va se dire, j'ai vu le prophète, Allah même, alors je suis dans le bon chemin. Je me souviens d'ailleurs d'une personne qui, cigarette à la main, me dit qu'elle a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve. Regardez l'égarement. Regardez Shaitan comment il fait pour égarer les gens. Et ensuite, cette personne va se dire que ce qu'elle fait, c'est-à-dire fumer, n'est pas une chose grave, puisqu'elle a pu voir le prophète alayhi salat wa sallam en rêve. Et combien sont les gens qui n'ont pas la capacité, de la possibilité de le voir en rêve. Donc cela nous montre qu'en vérité, la religion c'est dans les cœurs. Et beaucoup de gens jugent les actes alors que la religion c'est dans les cœurs. Moi j'ai un bon cœur, etc. Et Shaitan vient et dupe et trompe cette personne pour l'égarer du chemin d'Allah Azza wa Jal. Tout comme la religion est dans les cœurs, elle est dans les membres. Et la pureté du cœur reflète sur les membres. Celui qui n'a pas d'actes pieux dans sa vie au quotidien, cela nous montre que son cœur est sale. Et celui qui a des actes pieux dans sa vie au quotidien, cela nous montre que son cœur est pur. Et plus ses actes seront nombreux, plus son cœur sera pur. Ce sont deux choses qui ne peuvent pas se séparer. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'effectivement, un shaitan ne peut pas prendre les traits du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant les rêves. An Abi Huraira radiyallahu anhu qal, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتصور أو قال لا يتشبه بي. أبو هريرة رضي الله عنه نجي لمسجد الله صلى الله عليه وسلم أدي qui me voit en rêve a bien vu ma personne. Satan en effet ne prend pas mon image ou dit-il ne prend pas ma ressemblance. Donc, ce hadith confirme le premier, que Shaitan ne peut pas ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve. Et quand nous disons voir le prophète en rêve, sallallahu alayhi wa sallam, ça ne veut pas dire qu'on a vu son corps, c'est-à-dire son corps qui est à l'heure où je vous parle, enterré dans sa tombe. Tout comme quand on dit qu'on a vu telle et telle personne en rêve, ça ne veut pas dire qu'on a vu leur corps qui est actuellement dans la tombe ou bien qui est vivant dans un endroit. Par exemple, une personne se trouve en Afrique et puis toi après tu la vois en rêve. Est-ce que tu as vu le corps réel de la personne? Non, le corps de la personne se trouve en Afrique. Mais c'est une image de cette personne que tu as vue. C'est une chose qu'il faut retenir et c'est ce qu'a cité le Cheikh Abdel Razzaq Ibn Abd al-Muhsin al-Abbad hafidhahullah ta'ala. Parce que certaines personnes disent qu'elles ont vu le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam véritablement. D'autres vont plus loin. Elles disent avoir vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam véritablement pendant l'éveil, non pas pendant le sommeil, en pratiquant ce qu'on appelle al-hadra, c'est-à-dire la présence. Ces personnes se mettent en rond et autour d'elles, ou bien au milieu de ce rond, elles posent un tissu blanc. Ensuite, elles se mettent à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en commettant des innovations religieuses infondées et rejetées par Allah azza wa jal. Elles se mettent à réciter certaines paroles toutes ensemble et en groupe. Puis elles s'arrêtent et elles disent « Il est là ». C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, il est assis sur ce tissu blanc et il va dicter au chef de notre groupe ce qu'il devra faire pour sa journée. Ça, c'est ce qu'on retrouve chez les partisans du soufisme. Particulièrement, ce qu'on appelle Tijaniyya. La tariqa, la voie Tijani, qu'on retrouve dans beaucoup de pays. Toutes ces choses sont infondées, elles sont des innovations religieuses. Allah subhanahu wa ta'ala ne les accepte pas. Allah tabaraka wa ta'ala se met en colère contre ses actes et contre les auteurs de ses actes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se désavouera totalement de ces personnes le jour du jugement dernier. Sauf si ces personnes demandent le pardon d'Allah et suivent le chemin droit de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith suivant. عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني. أبو مالك الأشجعي c'est un tabi'i رحمه الله تعالى qui est le fils d'un compagnon du prophète صلى الله عليه وسلم qui est Tariq ibn Ashyam رضي الله عنه rapporte selon justement son père qui a dit, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, qui me voit en songe a bien vu ma personne. Donc ce troisième hadith confirme les deux précédents. Nous allons passer au hadith suivant. An Abi Huraira radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثلني. أبو هريرة رضي الله عنه nous dit, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a déclaré, qui me voit en songe me voit effectivement. Satan en effet ne prend pas mes traits. Et la traduction est identique, mais en fait les termes employés en arabe sont différents. Donc, on voit que le shaitan ne peut pas prendre les traits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On voit dans les autres termes qu'il ne peut pas prendre son apparence. On voit qu'il ne peut pas lui ressembler. Et tous ces termes qui sont utilisés désignent le même résultat ou veulent dire la même chose. Shaitan ne peut pas ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve. Nombreuses sont les informations qui nous ont été rapportées par les sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Qala abi fahaddathtu bihi ibn Abbas faqultu qad ra'aytuhu fadhakartu al-Hasan ibn Ali faqultu shabbahtuhu bihi. فقال ابن عباس إنه كان يشبهه. Plus loin, celui qui rapporte ce hadith d'Abu Huraira, qui est Kulayb, rahimahullah, dit, je relatais le hadith à ibn Abbas, radiyallahu anhuma, et ajoutais que j'avais vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en rêve, et mentionnais Al-Hasan ibn Ali, comme lui ressemblant. Ibn Abbas radiyallahu anhuma dit alors, il lui ressemblait, c'est-à-dire Al-Hasan ressemblait. Celui qui rapporte le hadith qu'on vient de lire, selon Abu Huraira, Kulayb, a été voir Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma pour lui dire qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma a demandé la description qu'il a vue en rêve. Kulayb a décrit Al-Hasan ibn Ali, le fils de Ali, le gendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il ressemblait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait des traits physiques qui ressemblaient au prophète alayhi salatu wa sallam. Abdullah ibn Abbas lui a dit, Hasan ressemblait bien au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, cet homme dit avoir vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit que dans son rêve, il ressemblait. Pourquoi? Parce que Kulayb n'a pas vu le prophète. Ce n'est pas un compagnon. Il a vu les tabi'i. Il dit au compagnon qu'il a vu le prophète en rêve, alayhi salatu wassalam. Et comme il n'a pas vu le prophète dans sa vie, car il est né après sa mort, alayhi salatu wassalam, il dit, il ressemblait à Al-Hasan ibn Ali. Abdullah ibn Abbas lui dit, effectivement, le prophète ressemblait à Al-Hasan ibn Ali. Il a donc par là confirmé qu'il avait vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve. Hadith suivant, an Yazid al-Farisi wa kana yaktubu al-masahif قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس فقلت لابن عباس إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي فمن رآني في النوم فقد رآني هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ قال نعم أنعت لك أو أنعت لك رجلا بين الرجلين جسمه ولحمه أسمر إلى البياض أكحل العينين حسن الضحك جميل دوائر الوجه قد مألت لحيته ما بين هذه إلى هذه وقد ملأت نحره. قال عوف ولا أدري ما كان مع هذا النعت. فقال ابن عباس رضي الله عنهما لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا. يزيد الفارسي رضي الله عنه dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non pardon, Yazid al-Farisi n'est pas un compagnon. Yazid al-Farisi fait partie des pieux prédécesseurs, mais il ne fait pas partie des sahaba, rahimahullahu ta'ala. Il dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve. À l'époque de Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est parmi les compagnons celui qui a la meilleure connaissance des sens des versets du Coran. Donc il dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve. À l'époque de Abdullah ibn Abbas, à qui je dis? J'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en rêve. Abdullah ibn Abbas me répondit, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait, Al-Shaytan ne peut prendre ma ressemblance, ainsi qui me voit en rêve a bien vu ma personne. Peux-tu, me demanda ensuite ibn Abbas, me décrire cet homme que tu as vu en rêve? Regardez comment s'est comporté Abdullah ibn Abbas devant un rêve qu'une personne a fait ou a fait, dans lequel celle-ci a prétendu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est revenue au texte, directement. Elle est revenue à la règle religieuse. Il dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui me voit en rêve m'a véritablement vu. Dis-moi ce que tu as vu en rêve, pour qu'on puisse continuer. Et ensuite il dit, oui, je peux te décrire un homme dont le corps et la chair étaient intermédiaires entre ceux de deux hommes. Donc ici, il nous parle de la taille. Sa taille était intermédiaire. Le corps et la chair, c'est-à-dire la corpulence, sa taille, étaient intermédiaires entre ceux de deux hommes. Deux hommes ici, il parle d'un grand homme et un homme moins grand. C'est-à-dire qu'il était de juste milieu dans sa taille. Il n'était ni considérablement grand, ni petit. C'est pour ça qu'entre parenthèses, le traducteur a dit l'un très grand et l'autre petit. Ensuite, il dit son teint brun tend vers la blancheur. Ici, on nous parle de la couleur de sa peau. Dans le hadith, on nous dit qu'il est mat. C'est pour ça que le traducteur a dit son teint brun. Donc, on nous dit qu'il est mat, mais que ce teint qui est mat tend vers la blancheur. Qu'est-ce qu'on a vu de la couleur de peau du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans les premiers chapitres? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était ni trop mat, ni trop blanc, alayhi salatu wa sallam. On a vu qu'il était blanc de peau et que sa blancheur était mêlée à une rougeur. Et qu'à cause de cette rougeur, certains le décrivaient comme étant mat. Et en fait, en vérifiant tous les hadiths, on a vu qu'il n'est pas mat, il est blanc, alayhi salatu wa sallam, mais que sa blancheur vire au rouge, sallallahu alayhi wa sallam, et que c'était donc une beauté de son corps. Et c'est ce qui nous est décrit ici par celui qui a fait ce rêve. Il dit, et ses yeux sont bien noirs. Nous avons vu dans les premiers chapitres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait les cils bien noirs, sallallahu alayhi wa sallam, ce qui rendait son visage agréable à regarder. Il a un beau sourire et les contours de son visage sont harmonieux. Et c'est ce qu'on a vu aussi dans le chapitre concernant le sourire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa barbe remplit ce qui est entre celle-ci et celle-ci. Celle-ci et celle-ci, ce sont ses deux oreilles. Et nous avons vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une barbe fournie à un point où certains compagnons radiyallahu anhum nous la décrivent en nous disant que quand il priait, donc il dirigeait la prière en tant qu'imam, des prières à voix basse, les compagnons radiyallahu anhum pouvaient comprendre qu'il récitait le Coran de par ce qu'il voyait des poils de sa barbe sur les côtés gauche et droite bouger pendant sa lecture du Coran. Il récitait le Coran à voix basse, mais comme il bougeait sa mâchoire et que sa barbe était fournie, on voyait ses poils qui bougeaient, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous savons que la barbe est une chose aimée d'Allah, azza wa jal. C'est pour ça que tous les prophètes étaient barbus. Et nous savons que c'est une chose aimée des compagnons du prophète, radiyallahu anhum. C'est pourquoi Allah, azza wa jal, l'a légiféré de façon obligatoire. Ensuite, Aouf ibn Jamila, qui est celui qui a rapporté ce hadith de Yazid al-Farisi, qui est celui qui a vu ce rêve. Yazid a vu le rêve. Il l'a rapporté à Aouf. Aouf l'a rapporté. Aouf, qui rapporte ce rêve selon Yazid, a dit « Je ne sais pas ce qu'il y avait aussi avec cette description. » C'est-à-dire, il ne se souvient plus si celui qui a rêvé a cité d'autres choses dans son rêve. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, dit alors, c'est-à-dire à celui qui a fait ce rêve, « Si tu l'avais vu à l'état de veille, tu n'aurais pas pu le décrire plus que tu ne l'as fait. » Donc, qu'est-ce qu'il a voulu lui dire ici? Tu as véritablement vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Qala Abu Qatada, radiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, من رآني يعني في النوم فقد رأى الحق. Abu Qatada, un compagnon رضي الله عنه, a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, qui me voit en rêve a vu la vérité. C'est-à-dire, m'a vu réellement. Et donc cela confirme ce qu'on a vu auparavant. عن Anas ibn Malik رضي الله عنه, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتخيل بي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qui me voit en songe a bien vu ma personne. Un shaitan en effet ne peut prendre mon image. Et le terme employé ici, yatakhayyal, ça vient de al-khayal. Le khayal, c'est l'illusion. L'illusion. Et parmi les catégories de sorcellerie, c'est celui qu'on appelle al-sihr al-khayali. La sorcellerie dite de l'illusion. Ici, on comprend que le shaitan ne peut pas faire cette illusion dans le rêve avec laquelle il se fait passer pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, wa qala, ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le songe véridique, c'est-à-dire le rêve, le songe véridique du croyant est une partie parmi les 46 parties de la prophétie. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam décéda, il ne laissa rien après sa mort sallallahu alayhi wa sallam comme révélation. La révélation s'est arrêtée après son décès sallallahu alayhi wa sallam. Mais il dit qu'il ne reste rien de la prophétie après ma mort si ce n'est le rêve pieux. Le rêve pieux que le croyant fait pour un autre ou bien dans lequel celui-ci est vu par un autre. Et je profite de ce passage pour raconter ce qui s'est passé avec le Cheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, qui est celui qui a corrigé et vérifié l'authenticité des hadiths de ce livre, sur lequel d'ailleurs nous nous sommes basés. un des élèves du Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullahu ta'ala, a raconté avoir vu en rêve l'imam Al-Albani, rahimahullah. Et dans son, pardon, a raconté avoir vu en rêve le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce personnage qui a vu en rêve le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, j'ai des difficultés, j'ai certaines difficultés dans la science du hadith. Vers qui dois-je me tourner? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cet étudiant en science, dirige-toi vers l'imam al-Albani si tu as un problème dans la science du hadith, il va t'orienter. Après son rêve, il l'a raconté à son cheikh, Al-Uthaymin rahimahullah. Son cheikh lui a dit d'annoncer cette nouvelle à Cheikh Al-Albani rahimahullah. Et pendant un certain temps, il n'a pas pu le faire. Longtemps après, cet élève a voyagé en Jordanie, pays dans lequel vivait l'imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Il en a profité pour visiter l'imam Al-Albani qui était hospitalisé suite à une maladie. Et pendant cette visite, l'imam Al-Albani rahimahullah ta'ala dit à ses élèves qui viennent le visiter qu'il est fatigué, qu'il est content de voir cette visite, mais qu'il a beaucoup de travail, qu'il lui reste beaucoup de travail à faire dans la science du hadith. Il corrigeait des livres, il corrigeait les hadiths, il disait authentique, faible, faible, authentique, rahimahullah. Il dit, et je me suis arrêté, écoutez bien, je me suis arrêté, le dernier hadith que je viens de corriger est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne reste de la prophétie que les rêves pieux. Le rêve que le croyant fait pour quelqu'un ou dans lequel il est vu par quelqu'un. Et l'élève de l'Uthaymin, rahimahullah, dit au cheikh, subhanallah, je suis venu vous raconter que je vous ai vu, que j'ai vu le prophète alayhi wa sallam en rêve, qui m'a dit de me tourner vers vous, vers la science du hadith. Et l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala, a fondu en larmes. رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن المبارك رحمه الله قال إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر. Et donc l'auteur Tirmidhi رحمه الله a conclu ce livre avec deux paroles parmi les paroles des pieux prédécesseurs. Une première de Abdullah ibn al-Mubarak, qui est un homme très connu, un savant, et aussi de Muhammad ibn Sirin, qui est très connu, l'élève d'Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. Abdullah ibn al-Mubarak, radiyallahu anhu, a dit, si jamais tu devais subir cette épreuve que d'assumer la fonction de juge, alors attache-toi à l'information traditionnelle. L'information traditionnelle, qui est dite en arabe al-athar, veut dire la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la parole des compagnons. Donc ici, Abdullah ibn al-Mubarak a dit, si tu as une responsabilité dans laquelle on te demande de juger entre deux personnes entre lesquelles il y a une mésentente, un désaccord, une dispute, comment dois-tu te comporter pour juger comme il se doit? Il dit, attache-toi au athar. Attache-toi au hadith et aux paroles des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi est-ce que l'imam Tirmidhi rahimahullah a conclu ce livre par cette parole, puis celle d'Ibn Sirin? Pour nous dire que tout ce qu'on vient d'apprendre, qui représente les qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la description physique, la description de sa vie, ses comportements, sa sunna, tout ce qu'on doit apprendre de lui, on ne le prend pas des passions. On ne le prend pas de gens qui nous dictent. On le prend de la sunna directement. On le prend de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de celle des compagnons du prophète radiyallahu anhum. Quand nous sommes amenés à avancer ou à faire un pas dans la religion, dans le domaine de la religion, on n'a pas le droit de faire un pas sans au préalable avoir vu qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de ce pas qu'on veut faire. Qu'est-ce que les compagnons radiyallahu anhum ont dit de ce pas qu'on veut faire dans la religion. عن محمد بن سيرين رحمه الله قال هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. محمد بن سيرين رحمه الله تعالى أجيب. Ce hadith est une religion. Ce hadith, c'est-à-dire la science du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette science est une religion. Donc, si c'est une religion, la religion est la chose la plus importante à nos yeux. La chose qui a le plus de valeur. Voyez donc par l'intermédiaire de qui vous apprenez votre religion. C'est-à-dire, prenez garde à apprendre votre religion de celui qui ne vous oriente pas vers le Coran et vers la Sunna. Vois-tu, voyez-vous, chers frères, si vous entrez dans une boulangerie et vous voulez acheter la meilleure baguette, car votre estomac le demande, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous renseigner chez les gens qui connaissent cette boulangerie. Vous allez demander à ces gens ou à ces personnes, que dites-vous de cette boulangerie? Et cette personne qui la connaisse, on su que le boulanger n'utilise pas une bonne farine. Une farine qui risque de te faire tomber malade si tu manges ce pain. Alors, ces personnes-là te conseillent et te disent, ne mange pas ce pain chez ce boulanger, car il n'utilise pas une bonne farine. La farine utilisée par ce boulanger va te rendre malade. Une personne douée de raison, est-ce qu'elle va accepter le conseil de cette personne? Ou bien, est-ce qu'elle va dire, pourquoi est-ce que tu critiques le boulanger? Elle va accepter le conseil de cette personne. Si c'est valable pour une baguette, si c'est valable pour une demi-baguette, qu'est-ce qu'on va dire de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que quand on va apprendre la religion, on va l'apprendre de celui qui nous glisse des hadiths qui sont faibles, ou des paroles qui sont inventées? Est-ce qu'on va l'apprendre de personnes de l'innovation, de personnes de groupes égarés qui nous enseignent leur doctrine, non pas celle du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam? Si on le fait, nos corps ne tomberont pas malades, mais c'est nos cœurs qui vont tomber malades. Et si nos cœurs tombent malades, on est fermé, on ne peut plus apprendre correctement notre religion. Et c'est pourquoi l'imam Tirmidhi rahimahullah conclut son livre par ce chapitre, pour nous dire que cette religion, qui est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne doit pas l'étudier chez n'importe qui. On ne doit l'étudier que chez ceux qui se basent sur le Coran et la Sunna et qui ont la compréhension des premières générations de l'islam, ceux qu'on appelle as-salaf as-salih, les pieux prédécesseurs. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Les meilleurs des gens sont ceux de ma génération, puis la génération suivante et la génération suivante. Et nombreuses sont les innovations religieuses qui sont arrivées après ces trois générations. Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah ta'ala a dit: al-isnad min ad-din wa laula al-isnad لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَنْ شَاءَ. Ce qu'on appelle l'isnad, c'est-à-dire la chaîne de transmission. Quand vous voyez un hadith, ce hadith n'est pas tombé du ciel. Ce hadith est arrivé, il a été écouté par le compagnon, qui l'a transmis à une autre personne, qui l'a transmis à une autre personne, et ainsi de suite, jusqu'à que ce hadith se retrouve dans le livre que tu lis. Toutes ces personnes-là forme ce que l'on appelle la chaîne de transmission. Et sans cette chaîne de transmission et sans la connaissance des rapporteurs des hadiths qui sont dans cette chaîne de transmission, on serait dans l'incapacité de distinguer le hadith faible du hadith authentique. Et par ce qu'on appelle la chaîne de transmission, Allah subhanahu wa ta'ala a préservé la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn al-Mubarak a dit: l'isnad, la chaîne de transmission, fait partie de la religion. N'eût-ce été la chaîne de transmission, quiconque parmi les gens aura dit ce que bon lui semble. Et c'est ainsi que nous avons terminé la lecture de ce livre magnifique de l'imam Tirmidhi rahimahullahu ta'ala. On demande à Allah Azza wa Jal de récompenser l'auteur de ce livre, l'imam Tirmidhi rahimahullahu ta'ala. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de récompenser également l'imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala puisqu'il a corrigé ses hadiths. On demande à Allah Azza wa Jal de récompenser le Cheikh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullah, le savant de Médine, l'enseignant dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il est la cause de ma connaissance de ce livre et donc de beaucoup de vous. Car j'ai connu ce livre quand Allah Azza wa Jal m'a accordé le voyage pour la Umrah, et quand on était à Médine, le Cheikh enseignait ce livre. Donc on m'a donné une copie de ce livre et j'ai participé à quelques dars, quelques cours de ce livre. Donc j'ai vu que ce livre était magnifique et je me suis dit que ça serait une bonne idée de le transmettre et de l'enseigner, car on ne trouve pas ce type de livre enseigné au public français. Et c'est donc une idée qui est restée, qui m'a traversé l'esprit. Puis certaines années sont passées, une, deux ou trois. Ensuite, quand on a dessiné notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal m'a mis à l'esprit cette idée. Il m'a facilité de me dire, et c'est ce qu'on a vu de nos savants, walillahil hamd, que la meilleure façon de répondre à ces provocations, c'est d'augmenter notre foi et de faire accroître notre connaissance. On s'est moqué de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va répondre par l'étude de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai donc commencé l'enseignement de ce livre le 21 septembre 2012 à Duni pour une période de un mois. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala en a décidé autrement, j'ai dû m'arrêter. Et j'ai repris l'enseignement de ce livre dans cette mosquée depuis le début du livre le 20 avril 2013. Ce qui fait qu'Allah Azza wa Jal nous a facilité de lire et d'étudier ce livre en 38 cours qui ont commencé le 20 avril 2013 et qui s'achèvent le 15 février 2014. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala, et on remercie aussi les responsables de cette mosquée qui nous ont accueillis, qui nous ont ouvert les portes pour pouvoir lire et étudier ce livre. Et on espère d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils en auront une part de la récompense, insha'Allah ta'ala. As-salallahu azza wa jal an yuwafiqana li kulli khair. Allahumma taqabbal minna hadha al-amal waj'alhu khalisan li wajhika al-karim. اللهم ارحم الإمام الترمذي رحمه الله، اللهم ارحم الإمام الألباني، اللهم جازي عنا خيرا الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.